herbe rase d'une steppe desséchée. Un cosaque joue balafré, joue avec son œil crevé. Les rayons du soleil bas, il réchauffe son checkman rouge, font briller d'un bel éclat. C'est l'eau, pistolet à rouge. L'odeur puissante de la lande dilate ses naseaux d'homme libre. Le blason fouille dans la tour, il savoure son repos. Quel bonheur, son cocasse, son oral devant lui s'étend. Son pied joue machinalement avec la tête coupée d'une enfant. Lassement ainsi couché, il ressasse l'ardeur crasse des casaques, la poussière mêle au sang. Il pleure le guerrier à chaudes larmes en repensant au rythme encore de l'attaque, son cœur bout dans la traque. Quel vertige, c'est un poison, un venin, un virus. Ivresse pour ses sens, le ravissement des bastons. Sous le cuir de son caftan, il fait ressurgir les champs qui torturent sa raison dans le fracas des blasons. Allez, viens, jolie racaille, slamé sur ce joli son. Allez, viens, jolie canaille, slamé au son du canon. Allez, viens, jolie racaille, slamé sur ce joli son. Allez, viens, jolie canaille, slamé au son du canon. Au bout du ciel, il devine le vol pesant d'un vautour, attiré par les effluves du grand charnier tout autour. La gaucherie de l'animal aime le cosaque brutal, il partage avec lui l'appétit des corps. Et regarde, ami chacal, ce cadavre tout sans mon glaive, celui des pétraillés d'une jeune femme, je l'ai tranché. Vois la grâce de cette crevasse, elle traverse son dos cambré. Tu sais le désir cruel de déchirer la beauté. De bonheur domestique et de bien-être sans éclat, mais vraiment vieillir heureux sans mon sabistatila m'apparaît morne et fade comme ces morceaux de chair froid. Allez, viens, jolie racaille, slamé sur ce joli son. Allez, viens, jolie canaille, slamé au son du canon. Allez, viens, jolie racaille, slamé sur ce joli son. Allez, viens, jolie canaille, slamé au son du canon. Sa lame d'acier dans son fourreau décoré de pierres précieuses dérobées aux empereurs qu'il a tué. Le rire de son complice Pougatchev, chef des cosaques du Don, lui arrive aux oreilles familièrement comme une chanson. Entouré de ses hommes d'armes, ils égorgent un cochon dont les grognements répondent au râle des moribonds. À la vue de ce spectacle et de ses joyeux larrons, une bouffée de bonheur tendre inonde le cœur du cosaque. Il pique des deux et rejoint au galop sa fratrie. Il y a dans l'air ce soir des prémices d'orgie. Allez, viens, jolie racaille, slamé sur ce joli son. Allez, viens, jolie canaille, slamé au son du canon. Allez, viens, jolie racaille, slamé sur ce joli son. Allez, viens, jolie